Le premier ministre coréen Park Bong-joo a envoyé le 12 courant un message de félicitations à Sellum Komik Lasu, renommé premier ministre togolais. Le dessinateur s'est exprimé convaincu du développement continu des relations traditionnelles d'amitié et de coopération entre les deux pays et lui a souhaité plus grand succès dans son travail pour le développement économique du pays et le bonheur au peuple togolais. Par ailleurs, le même jour, le ministre coréen des Affaires étrangères, Lee Yong-ho, a envoyé un message de félicitations à Robert Ducey, renommé ministre togolais des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration de l'Afrique.